la grosse liasse se descend. En gars, moi j'étais piéton, j'ai de la vodka dans le sang. T'écoutes quand dira-t-on, on verra bien dans le temps. Le pactole ou le maton, favori ou non partant. J'ai la banane Louis Vuitton, j'ai la grosse liasse se descend. En gars, moi j'étais piéton, j'ai de la vodka dans le sang. Se descend, en gamin j'étais piéton, j'ai de la vodka dans le sang. T'écoutes quand dira-t-on, on verra bien dans le temps. Le pactole ou le maton, favori ou non partant. J'ai la banane Louis Vuitton, j'ai la grosse pièce de sang. En gamin j'étais piéton, j'ai de la vodka dans le sang. Dans le temps, le pactole ou le maton, favori ou non partant.